Dis ma vie. Ma vie. Damoiselle à lumette, si jamais souffle au cœur, silhouette fluette, elle en meurt. S'il te plaît pas cette chanson, son air il m'envahit, me terrasse pour de bon. Puis elle dit ma vie. Comme une carte postale, j'étais dans le grand hall d'un aéroport. Comme un film américain au ciné-club du coin de la place du port. Elle me montre du doigt sur le planisphère où ont été ses pas sur la terre. Se jette par la fenêtre, mes yeux et mes pensées. Un nuage blanc se prête à danser comme une carte postale. De la place du port. Descendre dans la rue, tu sais ça me fait peur. Est-ce que tu les as vus, moi ?